étrange époque où les sentiments en toc m'étouffent, j'en deviens qu'éblo, faut que je débloque. En état de choc, j'avoue souvent je provoque cette France qui s'endort, s'assomme à coups de médoc. Élevé, gavé, de bâton de manioc, j'suis paré, calé dans les starting blocks. Face aux amerlocs, j'suis pas la poupe su ventriloque qui fait son numéro magite et touche le jackpot. Inonde nos ondes FM, fera ou pas, ils nous maîtrisent. Préconise que faire jusqu'en Afrique à des vrais pros face aux blême pros qu'ils ne règlent pas. Mais ils en stoppent les combats. On bâtit vol à Paname, New York et London, tandis qu'on creuse des tombes à Fumban. Blâme pour ceux qui entrent dans les cimetières et profanent. Que dire de ceux qui condamnent la Marie-Jeanne? On kiffe les artifices, on se maquille, sa fille jouit du libre service. Il n'y a plus de novice, les 36-15 pour moi le botch. Job en tête du box et comme les milices s'agrandissent, qui mesure la taille de la cicatrice sociale. Notre monde perd les pédales, par endroits dans tous les ministères. On crée au scandale, ça contamine. J'en deviens pas le père d'idéal qui vient en aide aux crèves la dalle. Je cherche et je trouve que des vandales qui s'accrochent et couricochent sur l'instrumental. Vient-il en soirée pour faire sauter la car comme au parc, ça se finit en match de catch. Cours plus vite que les balles, personne veut finir sous une bâche. Pour combler nos lacunes, les psys remplacent les amis et font fortune sans rancune. Tu t'allonges, allonges la thune. Tu kiffes, pour un moment t'es à la une. Les coupes se dévorent, supportent plus les morsures. Les agences assurent de nouvelles structures, nouvelles bases. On phase, dame nature. Les gens s'empressent, acquiescent et disent je le jure. 60 ans THS, fin de service. On s'arc de part comme un chien dans un hospice. Rares sont ceux qui comptent encore sur leur fils. Étrange époque, que l'aube de l'an 2000, les enfants sont victimes des pédophiles. Je n'ose imaginer au loin ce qui se profile.